bienvenue sur Fun Radio. Il est 1h05 du matin. Donc, le premier disque, c'était les gros tons d'avril avec Viens chercher dans mon trou. Et là, vous venez d'entendre un remix de Gérard. Donc, c'était quoi le titre c'était du remix J'ai mal aux fesses. Et voilà. Et donc, la question, donc, c'est combien de feux en chocolat achetez-vous à Pâques pour ça Bah ouais. Allô, vous êtes là? Ouais, allô. J'ai kiffé le slow, hein, Ouais, c'était pour détendre l'atmosphère, c'était sympa. Ouais. J'ai dansé avec mon téléphone et tout, c'était romantique. Ça m'a rappelé Umberto Tozzi, moi. Ouais. Une petite pensée pour Manu, quand même, qui a mal aux fesses. Qui a mal aux fesses, ouais. Bon, vous répondez à la question. Oui. Ça symbolise Pâques. Ouais. Combien d'œufs en chocolat achetez-vous à Pâques? On l'a déjà posé celle-là. Non. Si mon chéri. Oh là là. Si tu l'as déjà posé avant le disque. Oui, attends, je suis pas ton chéri, d'accord? Mais c'est derdif ou quoi? On l'a déjà répondu à cette question. Ah non, c'est que symbolise Pâques pour vous. Voilà. Que symbolise pour vous Pâques ou le 1er avril? Ah voilà, c'était la question. Le chocolat, ça cartonne. Comment ? Je disais la liqueur dans les chocolats, ça cartonne. Il reste que les pralinés, à mon avis, là. Hein. Ouais, ben, tu vas répondre. Alors, moi, malheureusement, Pâques est synonyme de malheur. Parce que, comme tu le sais, Gérard, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs de Pâques. Mmh. C'était qui, là, Macron ? Ouais. Ah, c'était Macron. Premier sur le jeu de mots. Ouais, non, mais tu pourrais donner ton nom quand même. Bah ouais. C'était Macron d'avril. Voilà. Ouais, mais. Donc, croton chocolat ? Ouais, bah écoute, moi c'est pas malheur, moi ça symbolise bonheur, parce qu'en fait, l'année dernière, au 1er avril, j'ai trouvé un emploi, ça a été mon premier jour en tant que fossoyeur, donc pour moi, Pâques, ça symbolise le bonheur, voilà. Génial ça. Ouais. Enfin, gazon maudit. Moi c'est plutôt malheur, hein, parce que quand j'avais 7 ans, mes parents, bon, moi je vais pas faire de vélo, quoi, mais j'ai perdu mes parents le jour de Pâques. C'est quoi, c'est quoi? Comment? Je sais pas. Il y a une sonnerie là. Ah, j'entends plus. Et j'ai gazon maudit. Parents, donc, le jour de Pâques, et pour moi, c'est signe de deuil quoi. C'est pas très rigolo ce que je raconte, mais je suis désolée. Sont morts d'une crise de foie. C'est la vie. D'ailleurs, œuf pourri. Ouais, bah, mon premier jour. Allô. Ouais, bah moi j'irais beurre parce que je sodomise ma femme le jour de Pâques et je lui pète sa turbine à chocolat. Mmh. Mmh. Gérard, il y a pas mal de connectés sur Minitel, on est déjà 412 et ça cesse de monter. Et j'en ai un qui dit Gérard, moi l'année dernière, voilà, je vais y arriver. Ma mère a émis des œufs périmés et je suis tombé malade. Qu'est-ce que t'en penses? C'est la listeriose, ça. Alors attends, sa mère y a mis des œufs périmés. Enfin c'est Pâques, tu vois, c'était Pâques. En fait sa mère, peut-être qu'elle pouvait pas en acheter des neufs, donc elle avait pris des œufs périmés qu'elle a mis dans le jardin. Oh. Lui il était allé dans le jardin les chercher et en fait oh il en a mangé et il est tombé malade. Trop fort été. Oh là là. Il y avait une sorte de chiasse. Oh là là. Ouais, comme Manu. Voilà. Comme Manu ou comme Apolline qui nous a fait ça ce week-end. Ouais. Donc, ouais, GG. Est-ce que tu penses que c'est bien de la part de sa mère, quoi? Big up à toutes les diarrhées. Par contre, je préfère dire une chose que déjà pour commencer, pour savoir si les œufs de Pâques sont bons, faut regarder les dates. Faut regarder au cul. Non, il y a des dates pour savoir jusqu'à la date, ça fait comme les yaourts. Par exemple, tu vas acheter 6 yaourts ou autre. Mmh. C'est pas pour préciser la marque. Tu regardes la date. Et c'est la date de consommation. Non, oui, c'est la date qui doit être périmée. Donc si tu vois que la date ne dure pas assez longtemps, ouais. Donc dans ces cas-là, t'essayes de rien que dans une grande surface, tu peux me les couper parce que là ouais, j'en bon. Ai marre. Il y en a un qui renique comme un bouc. Donc tu regardes dans tout ça, mmh. Et si tu vois que la date ne te plaît pas, tu t'en prends au fond. Il y en a d'autres au fond qui sont plus vieux et qui vont encore être plus dégueulasses. Non, au contraire, ah. Ils vont pas être plus dégueulasses. Elles vont être meilleures. Non, mais c'est ce que, par exemple, si ça dure jusqu'au 12 avril, ouais. Donc tu essayes de voir ceux qui vont plus loin encore que la date du 12 avril. Ah, donc tu essayes de voir ceux qui vont jusqu'à la fin du mois d'avril. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Oh là. Ça s'appelle Apolline, hein. Oui, Apolline, Gérard. Non, mais attends, ça... attends. Il y a un truc qui me dégoûte, c'est que quand il y a Max, tu mets pas d'écharpe, et quand t'es là, tu mets une écharpe. Alors, si c'est pas me répondre des conneries, c'est pas la peine. Non, mais... autant passer les questions Internet. Oui, c'est vrai, elle a tout à fait raison. Il y a Luché sur IRC, il te demande si t'as les yeux bien chauds, parce qu'il est sûr que t'as le papier qui colle au bonbon. Ah, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, un petit sondage. Là. Avez-vous... Aimez-vous Pâques? Si oui, pourquoi? Alors, 35% n'aime pas les Pâques. N'aime pas les paquets. Les paquets d'eux. Les papiers cadeaux. Attends, c'est quoi ça? Les Pâques et cadeaux. Tu vois, en fait, les... pour les cadeaux à Pâques, ils préfèrent les cadeaux de Pâques. Jeux qui avoir des cadeaux. Les Pâques, les cadeaux. Ouais, ouais, bon, je vois pas trop le rapport. Non plus, hein. 34% aiment les paquebots. Les bordels dans ma rue, là. Les paquebots, oui. Donc, je vois pas du tout non plus le rapport avec... sur le débat du 1er avril. Et oh, c'est pour dire des conneries, Pauline. Non, j'ai les œufs de Pâques qui sont beaux. Ouais. Paquebot, tu sais ce que c'est un paquebot? Non, c'est quoi, Gérard? C'est un navire. C'est le Titanic avec Céline Dion. Non, pas le Titanic, il a coulé, c'est suffisant. Bon, merci les auditeurs. Voilà, c'est mieux. Voilà, fade. 16% aiment les Pâques. Aime les Pâques à sable. Alors ça, je vois... Là, je vois pas du tout le... Plus, je... Mais c'est peut-être un sondage du 1er avril, justement. Ah, c'est peut-être... Là, je pense que c'est un... Hop, je vais mettre un point d'interrogation là-dessus. Ouais, non, mais de toute manière... Alors, cinquième question. Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses, Gérard, de la question? Tu réponds jamais à tes questions. Bon, s'il vous plaît, les auditeurs, vous vous taisez, merci. Que symbolise pour vous Pâques ou le 1er avril? Donc, Pâques, de toute manière, c'est vrai que c'est l'histoire des œufs. Le 1er avril, c'est... Et de la bière. De la bière aussi. Ah non. Ah si, sur IRC, ils me disent Pâques, c'est Pâques de bière. Ah non. Ah non, en principe, c'est les œufs. Et pour le 1er avril, donc c'est des gros poinçons, je ne citerai pas, parce que ce soir il y en a un, il s'est fait piéger, mais en beauté, mais c'est pas grave. Et toi, donc toi, demain, tu vas aller chercher tes œufs dans le jardin? Ah non, moi, demain 2 avril, de manière pas que c'est ce week-end, donc j'irai pas chercher mes œufs dans mon jardin, parce que j'ai pas de jardin. Et Gérard, sinon sur... À 14h. S'il vous plaît, merci. Sur IRC, il y a Poiscaille qui te demande si c'est les poules qui font elles-mêmes les œufs en chocolat, ou vice-versa, chocolat, ouais. Ou autre. Alors là, justement, c'est une question. Il paraît qu'elle se tartine de l'anus de Nutella. Hein. Bon, quand je pourrais répondre correctement à la question. Mais sérieux. On sautait. Bon, on est bien en France, vas-y, ça. Gérard, vas-y. Donc, pour répondre à la question sur l'IRC, pour l'histoire des œufs de Pâques, en fin de compte, les œufs, tu vas les chercher n'importe où. Hein. T'as pas besoin d'avoir une poule, parce que c'est pas les poules qui vont te faire des œufs en chocolat. Et moi, ou autre, parce que moi, je me souviens, ma grand-mère, ce qu'elle faisait, elle faisait cuire des œufs durs, et tu sais, après, on les peignait. Ouais, ou tu fais un trou et tu les remplis de chocolat après. Ouais, tu te rappelles. Ouais, mais ça c'est quand même vieux ça. Ouais, c'est vieux, mais ma grand-mère elle a pas 20 ans, tu vois. Ouais, mais maintenant t'en trouves plus. Ah bon, ça sert plus ça? Ah non. C'est grand-mère, c'est bon, c'est... Est-ce que les œufs mangelés en chocolat sont-ils meilleurs que le 1er avril là? Tu peux expliquer ou pas? C'est toi qui as voulu garder cette question. Non, j'ai pas. Non, mais c'est ta question, Gérard. Tu peux l'expliquer vu que c'est la tienne. Ouais. Donc, est-ce que les œufs en chocolat sont-ils meilleurs que le 1er avril? Alors donc, le 1er avril, normalement, c'est des poissons en chocolat. On peut avoir des poissons en chocolat. Ou des œufs. Non. Si. Ah bon? Le 1er avril, t'as déjà vu des œufs? Ouais. Eh ben alors, les poissons, ils pondent quoi? Ils pondent des œufs. C'est bon. Ça s'appelle du caviar. Mais voilà, les œufs de nymphe aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, Margot. Bon, ben. Margot. Macron, pas Margot. C'est Macron, Gérard. Alors, Gérard, je te signale que les poissons font des œufs, ce qui est la synthèse parfaite entre le 1er avril et Pâques. Voilà. Les œufs de poisson, notamment les œufs noirs, les œufs de surlonge, c'est du caviar. Et ce soir, ton débat, c'est un véritable caviar, Gérard. On se régale. Ouais. Ouais. On se bouffe à la petite cuillère. C'est gentil, ça. Ouais. À la louche. À la louche. On en reprendrait, hein. Croton chocolat. Lui, ce serait de la gourmandise quand même. Hein. Ouais. Croton chocolat. N'ayez crainte, je mange pas de chocolat. Bah, ça nous rassure alors. Ouais, mais tu manges du poisson, non? Non plus. Non plus, parce que moi, croton chocolat, justement, je suis plus 1er avril parce que je préfère les œufs. Je suis pas trop poiscaille parce que faut le vider. Je sais pas si t'as déjà vidé du poisson, toi, GG. Non, mais dans ce cas-là, tu demandes au poissonnier qui te le vide. Ah ouais, non, mais moi j'aime bien faire les trucs, je suis un peu un homme des bois, quoi, donc j'aime bien faire les trucs un peu moi-même. Quand je vais pêcher. Non, mais je pêche, donc tu vois, je vais. Attendez, s'il vous plaît, derrière celui qui est dans une cabine, arrête parce que ça commence à me gonfler. Ouais, les bécanes. Ouais, donc je disais, moi je pêche, donc tu vois, j'ai dit, je vais pas pêcher du poisson et après l'emmener chez mon poissonnier pour qu'il me le vide, tu vois, genre à l'air un peu d'un bonnet, donc je l'ouvre moi-même, quoi. Et bon, voilà, donc je préfère aller fourrer, chercher dans le trou du cul des poules pour trouver des œufs, c'est quand même plus sympathique. Ouais, mais restez quand même poli, s'il vous plaît, avec les gens qui vous emmerdent. Aller chercher dans l'orifice de ces chères poulettes pour trouver. Gérard, tu arrêtes, s'il te plaît, avec ça, parce que ça commence à me gonfler. Oui, bah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Bah rien. Gazon maudit. Oui, Gérard. Moi, je préfère Pâques. Comme moi. Ouais. Bon, derrière, vous vous calmez, vous laissez les gens répondre. Je préfère Pâques à cause du côté ludique de la chose. Le fait d'aller chercher l'œuf dans le jardin, alors tu vois, c'est un peu le retour au jardin d'Éden, la Bible. Donc, c'est une fête très catholique, mais en même temps très ludique. Ouais. Parce que les petits-enfants se retrouvent et les chiens sont très heureux. Ouais, n'empêche que moi, Gérard, si je peux te raconter... Tu racontes pas des anecdotes. Bon, déjà... Je veux dire un truc. Oui. C'est pas une anecdote. Donc l'autre fois, moi je me souviens, on avait caché les œufs quand j'étais petit. Uh-huh. Et ça se passait parce que nous on n'a pas de jardin, on habite dans une tessie quoi. Uh-huh. Et donc les parents ils avaient caché des œufs. Tu peux préciser ton nom. C'est ta tessie. Croton chocolat. Et donc on cherchait des œufs. Moi j'étais tout petit, je me souviens. En fait on est tombé sur le stock de kiff du Lordi de la tessie. Uh-huh. Et ben, en fait on l'a trouvé, on a cru que c'était du chocolat, donc on a commencé à croquer dedans quoi. Et puis bon, bah voilà quoi. Ça c'est fini, genre à Woodstock, j'avais 8 ans, quoi, tu vois. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça peut quand même être dangereux. Faites gaffe si vous trouvez des boulettes. Ouais, ouais, bah moi, écoute, moi aussi, je préfère Pâques, hein, éventuellement, puisque ça n'a ni queue ni tête, les œufs. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est vrai. C'est sûr. C'est plus évident à croquer sous la dent. Gérard, t'écoutes pas, il cherche son stylo. D'accord. Merci, c'est sympa. Hein. Je vais pousser un coup de gueule. Mmh. On t'écoute. Contre les c'est chiens, qui c'est Macron d'avril, je vais pousser un coup de gueule contre parce que des fois les parents ils mettent les œufs le matin très tôt dans le jardin et pendant ce temps-là ils sortent le chien pisse sur les œufs et après c'est parents, dégueulasse. Ils sont malades. C'est pour ça qu'ils sont contents les chiens. Ouais, et puis ils vont pas nous faire gober que c'est de la liqueur hein. Ça fait Gérard, Apolline, on nous spolie. Je te dis de me les couper ces deux-là. On va descendre. Putain. Oh, Gérard, ça y est. Lesquels, Gérard? J'écoute. Gérard, il est parti. Nous. Bon, attendez, Gérard, on va chercher Max. Il va revenir. Qu'est-ce que tu fous, Apo? Je sais pas. Ouais. Je sais pas ce que... Allez, écoute, on lui demande quelque chose. Hein. Je croyais que tu parlais de mon micro. Donc, je l'ai coupé. Non, je t'ai dit de me laisser saquer, c'est tout. Mais saquer qui? Putain, mais fais ton boulot, merde. Ah, je suis d'accord, quoi. Putain, mais tu fais quoi, là? Apolline, quand il fait ça... Mais tu veux que je saque qui, Gérard? Quand il te fait ça, c'est coupé. Je parle pas le langage des signes, moi. Tu l'entends, tu le vires. Qui? Tu me vires 30 ans chocolat et Macron. Gérard aussi, Gérard. Au fil d'art, toi, t'es responsable. Mais il répondait bien, pourtant. Putain, mais vous me faites quoi, là? Je les ai coupés, moi, là. Oh non, vous me faites chier, là. Si, coupé, c'est bon. Non, vous me faites chier. Je vais demander à Olivier de venir. Ça peut être bien. Ça peut être mieux, ouais. Ça peut être mieux. Voilà, ils sont coupés, Gérard. Tu les vires. Non, mais viens. Ouais, c'est bon. Parce qu'il a pété sa montre qui est énervé. Ouais, c'est normal. On verrait pas là, en plus. Bon, pour revenir au débat, il y a Davy One qui vient d'arriver, je le salue, parce qu'en fait, il est en retard parce qu'il était chez toi. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Et sinon, il y a Yankee sur l'IRC, il me demande comment ils font Kinder pour mettre la surprise dans l'œuf. Ah ouais? Et c'est pas con ça. Ah bah il a pété son casque aussi. Oh merde, il a tout pété. Ah prends celui-là là. Attention. celui-là, il est quoi? C'est marqué quoi dessus? Il y a marqué quoi sur le casque? Bah, c'est bon, tu peux le prendre, c'est bon. Bah, dépêche-toi, Gérard, quand même. Ah bah ouais. T'es pas en pause là, t'es pas. Il va y avoir un petit blanc à l'antenne. T'es pas au Club Med là. On va peut-être penser un peu aux auditeurs qui écoutent. Donc je salue mon pote Arnette qui revient dans 5 minutes sur l'IRC. Salut Arnette. Salut. Bon, toi tu t'es Ah, on peut passer bonjour, c'est un habituel et il est pas au standard, il est sur l'IRC, tu vois, comme quoi. Donc la question c'était quoi? La question c'est Yankee qui te demandait comment Kinder ils font pour mettre la surprise dans l'œuf. Ben, dans ce cas-là, s'il y en a qui peuvent aller voir dans les usines de chocolat comment qu'ils font, je voudrais bien. Ouais. Et comment ils font pour mettre la liqueur dans les œufs? Ben, justement, de toute manière, Kinder, t'arrêtes avec ça! Moi, je voulais dire que la pub de Kinder était complètement naze, hein, parce que l'autre, elle va pas me dire qu'elle bouffe un Kinder, après, fait du delta plane, faut pas exagérer quand même. Non, en plus, c'est mal doublé. Oh là là. T'as jamais vu les pubs pour Kinder? Qui c'est qui m'a choisi ces auditeurs? Mais là n'est pas le problème, Gérard, ils sont bien les auditeurs, faut juste continuer le débat et se calmer. Je donne un bonbon, Ricard, comme les vôtres. Gérard, on en a deux nouveaux, là, j'espère qu'ils vont te plaire. À la place de Macro d'Avril, on accueille Saul Pleureur. Ouais, ben, tu me prends les noms et. 30 ans de Cherbourg. Non, ben. Je te les réécris, mais je te les annonce aussi. Bonsoir, Saul Pleureur. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Saul Pleureur. Et à la place de Crotte en chocolat, on accueille Cocotte de Maille. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Salut ma cocotte. 26 ans salut. De Belgique. Bonsoir. Non, ben, tu me fais une nouvelle fiche. Allez, donc, bon. Alors, comment? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai mal entendu, là, toi. Moi aussi. Oh là là. Crotte en chocolat, t'as dit quoi? Mais il est parti, crotte en chocolat, il peut plus être là. Ou gazon maudit? Ah, moi, j'ai rien dit, hein. Ben, pourri, t'as dit quoi? Ah, bah, c'est moi. Rien. J'ai dit un truc, excuse-moi. Non, j'ai cru mal entendre, là. Vas-y, Gérard, attaque. Là, on n'arrive pas à comprendre ce que tu dis, Gérard. Ouais, mais moi, j'arrive pas à comprendre ce que vous disiez aussi, les auditeurs. Mmh. Faudra peut-être être un peu plus poli avec moi. On rembobine la pige. Attends, la pige, attends, merde. C'est ce que c'est une pige? Pas tant que moi, je l'emmerde aussi. Alors, si t'es pas content, pourri, tu vas dégager. Bon, vas-y, Mickaël. Moi, je suis pas content, Gérard. Moi, j'aime bien ton débat, j'adore ce que tu fais. Alors, pourquoi fait-on Pâques un 1er avril et pas un 1er juin? Ah, c'est vrai. Ouais. C'est pas con. Pourquoi on la fête pas Noël aussi, c'est vrai? Bon, vous répondez. Bon, vous répondez. Je vais répondre. Oui, voilà. Grand temps chocolat. Bon, bah. Il est plus là. Il est plus là. Œuf pourri, je peux répondre? Ouais. Ouais, bah moi je pense que tout ça c'est une histoire de bisextile, tu vois. Mm-hmm. Tu vois, c'est à propos des calendriers en fait, parce qu'en fait, quand les calendriers ils ont été créés, le mec il va se dire, bon, si on met Pâques le même jour que Noël, tu vois, bon, ça va faire des chocolats, des cadeaux. Non, je te demande le 1er juin. Ouais, bah exactement, bah, c'est pareil le 1er juin, c'est exactement pareil. On peut pas Le 1er juin, c'est quoi comme fête? Bah, c'est la fête de la zonzon. C'est la fête de la musique. Bah, si, non, c'est la fête de la non, la fête de la musique, c'est le 21 juin. Et laissez, c'est la fête de la zonzon. Laissez Jean-Pierre Sauzet ou qu'il est, s'il vous plaît, merci. Ouais, la fête de la zonzon. Donc les tolleurs ne peuvent pas se payer des chocolats. Donc voilà, tout simplement. Gérard, en fait, il y a Davy One sur l'IRC, il me dit que c'est parce qu'en juin, en fait, il fait trop chaud et les œufs, ils fondent. Ouais, puis en juin, ça sera bien. Ouais, non, mais justement, voilà la question que j'attendais sur l'IRC que Rigaud m'a donnée. Bravo, c'est Rigaud. Vrai. Bravo. Bravo Davy One. Un point. Et c'est vrai que au mois de juin, on est en plein été et que le chocolat fond. Tout à fait. Et le 1er avril, ça va, il fait pas trop chaud encore. Je vais te dire une chose, qu'on avait quand même 21 degrés aujourd'hui. Donc ça a fondu. Il y a des frigos. 18, oui. Ah oui, il y a les frigos au mois d'avril. Ouais. Alors, quand toi, pour l'instant, t'éteins ton micro, il n'y a pas de frigo pour ceux qui ont la chiasse. Hop, voilà. Hop là. Ok. Ça vaudra mieux. Donc, Frigo. Oui. Non. Ah bah si, hein. Moi, je peux te sortir des trucs, hein. Y a pas de problème. Ouais, bah, vas-y. Quand tu veux. Alors, attends, parce qu'il faut que je remonte un peu. Et en fait, ils me disent que... Y a Snooze qui me dit que, en fait, c'est parce que les effets de la lune, le 1er avril, sont plus puissants pour transformer les œufs en œufs au chocolat. Au 1er avril, non, c'est pas la pleine lune. C'est pour ça que c'est pas en juin. Ouais, mais c'est pas encore la pleine lune. Non, mais justement, c'est dans un axe qui fait que c'est plus facile pour qu'ils se... qui se transforme. Et il y a Jupiler qui dit que le 1er juin, c'est la fête du cannabis. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est pour dépister. Là, je peux pas le savoir. Ouais, mais t'as jamais vu du cannabis au chocolat? Non, je pense pas. Chocolaté. Voilà. Sol Pleureur. Deux secondes, excuse-moi, Sol Pleureur. Gérard, oui, j'ai consulté l'encyclopédie cet après-midi pour préparer un peu le débat. Oui. Alors, je me suis rendu compte que pendant trois siècles, en fait, le 1er avril tombait le 30 février. Et puis un jour, un mec s'est rendu compte que le 30 février n'existait pas. Non, alors... mais attends, Sol Pleureur, pour l'instant, on parle du 1er avril. Oui, c'est ça. Pourquoi fait-on Pâques un 1er avril et pas un 1er juin? On parle pas du mois de février. Le mois de février, il a 28 jours ou 29 jours. Ok, il n'y a pas 30 jours. Ouais. Alors, Gérard, si on fête le 1er avril, le 1er avril, c'est parce que c'est le jour de la naissance de Marcel Hamon, qui est né en 1929. Ouais, bah alors, dégage. Hop, au revoir, au revoir. Au revoir, Gérard. Non, rien à foutre. Sol Pleureur, au revoir. Voilà. C'est peut-être non, mais il a pas tort. On en a rien à foutre des chanteurs. Non, mais c'est ouais. Pour l'instant, on parle des fêtes de Pâques et du 1er avril. Ouais. On est bien d'accord. Gérard, sur l'IRC, je veux juste saluer Turpentine. Elle vient d'arriver. Elle est en retard parce qu'elle essayait de faire pondre Sandy. Tu peux lui répondre? Ouais, je peux. Bah, tu peux lui répondre à l'antenne, elle t'entend. Alors, je vais dire, ça commence. Turpentine. Turpentine, Sandy, t'emmerdes. Ouais. Voilà. Voilà. Quel honneur. Alors, cocotte de maille. Cocotte de maille, ouais, bah écoute, pour ça, il faut refaire un petit peu l'historique du 1er avril. Il faut savoir que c'est une fête qui a été inventée en Roumanie, si je ne m'abuse, et qu'en fait, ça correspond à la date d'ouverture de la pêche là-bas. C'est le premier jour où on a le droit de pêcher. Donc, c'est le jour où on a décidé de faire cette fête ce jour-là, parce que bah, c'est le premier jour. Mais attends, t'es de Bruxelles, je croyais qu'à Bruxelles, on nous entendait avec 10 minutes... de décalage. 10 minutes de décalage, ouais. Mais pas par téléphone. Ouais, non, mais j'ai toujours été précoce, hein, de toute façon, donc c'est bon, quoi. Ouais, je me demande si c'était vraiment de Bruxelles. On est au téléphone, on n'est pas à la radio. Hein. Tout à fait. Exactement. Ah ouais. Et donc, je te disais, ça correspond avec l'ouverture de la pêche. Okay. D'où le fameux poisson. Gazon maudit. La parité homme femme. Gazon maudit. Tout se recoupe, tu vois. Ouais, Gazon maudit. Dans ma famille, le 1er avril, on ne fête pas les poissons, on fête la fête du slip. C'est une fête ancestrale dans ma famille, donc je peux vraiment pas t'expliquer d'où ça vient, mais tous les ans on fait la fête du slip. Jaune, bien, ouais. Jaune ou pas? Jaune devant, marron derrière. Ok. D'accord. Tu veux faire allusion à... Attends. Ouais. Tu veux faire allusion à quoi, garçon maudit? Mais je suis... Attends. Attends. S'il vous plaît. Ouais. Oui. Apolline. Oui, Gérard. Tu me laisses gazon maudit ou même fil d'art. Je me laisse pas couper tout le monde et en laisser qu'une, c'est à peau de gérer. On se fait. Alors, vous la fermez, gazon maudit, maintenant tu donnes ta version. Je te disais que je faisais illusion à rien du tout, ça fait partie de ma propre famille et voilà. Non, mais tu veux faire allusion à quelque chose? Oui, dans ma famille. Non, mais quand tu dis marron derrière et jaune devant. GG, je parlais pas de toi, Gérard. Ouais, non, presque pas. Mais non, attends, pourquoi tu te pourri, pourri pour terminer. Ouais, t'es déjà répondu. GG, à la place de Saul Pleureur, on accueille Kinder Surprise, 26 ans d'Orléans. Ouais, bonsoir, salut Gérard. Salut. Salut Kinder. Ça va? Salut Kinder. Et tes pubs sont toujours aussi cons, hein, Kinder. Ouais, je fais ce que je peux. Ok. Vas-y. Donc tu peux répondre à la question? Je pense que si c'est pas le 1er juin, le 1er avril, c'est parce que c'était déjà pris le 1er juin, c'est le printemps des poètes de Jack Lang. Ah peut-être, ouais. Ah oui, Jack. Quel beau Kinder. Alors, je préviens tout de suite. C'est Apolline qui a choisi cet auditeur-là. La politique sur la radio un jeudi, je n'aime pas entendre ça. Ouais, alors, au revoir. Non, mais préviens. Au revoir. Il est parti. Je ne veux pas entendre de politique. Ouais. Claire, net, précis. 11 minutes contre la censure, là. C'est vrai que c'est... D'accord. Fais péter le vinyle, rigole. Vas-y, fais péter les scratch. Rigo. Bernard, c'est vrai que t'es passé sur Skyrock. Bonjour. Rigo. Donc en fait, il y a Snooze, il te demande si... parce qu'en fait, son chien, il aimerait savoir s'il peut faire comme métier chien en chocolat du 1er avril. Mmh, chien en chocolat au 1er avril. C'est celui qui voulait être routier et tout ça, c'est le même chien. Non, mais t'en as qui peut s'amuser à être... à se déguiser. Hein. Parle encore plus fort, s'il te plaît. Oui, c'est... Tu peux parler encore plus fort quand il y a une question. Ouais, je peux. Ouais. Ben, le fais pas, pour l'instant... Gérard, j'ai aussi une question sur... Enfin, c'est pas une question, c'est en fait une affirmation sur Minitel. C'est Lilian, qui est du département 3, je sais pas d'où c'est. Il dit, Gérard, vraiment tes débats ils sont géniaux, mais je pense que t'es quand même un peu con. Ouais, bon, moi je l'emmerde. Gérard, j'ai retrouvé un auditeur là, j'espère qu'il te plaira aussi celui-là. À la place de Kinder, on accueille Nutella. Alors moi je vais te dire une chose à Pauline. Oui, Gérard. C'est simple. Ouais. Tu vois, il est 1h30. Le débat va s'arrêter dans... Non, mais c'est pour la conclusion. Non, mais le débat s'arrête dans moins d'un quart d'heure. Il reste encore 1, 2, 3, 4 questions. Oh là là, oh là là. Dans les 4 questions, je vais te dire une chose. Oui, Gérard. Tu t'amuses pas à me changer les auditeurs avec d'autres voix. Parce que sinon, tu vas virer des studios, mais vite fait. Parce que là, tu te fous de ma gueule. Parce que quand Max... Et là, tu mets pas d'écharpe, et dès que je suis là, tu mets une écharpe. Alors, faudrait pas quand même prendre les gens pour des cons. Mais c'est parce qu'à partir de minuit, il fait plus froid. Oui, il fait plus froid. Et moi, pour l'instant, je suis en t-shirt du matin au soir, et j'ai pas froid du tout. Et transpire pas. Hein? T'es chaud, toi? Ouais, ouais. Alors, si t'as froid, dans ces cas-là, t'es une petite nature. Dans ces cas-là, tu restes dans ton lit, bien au chaud, et on veut plus te voir. Sympa, Gérard, sympa. Je te retiens. Ouais, parce que déjà dimanche Max, c'est quand tu veux le débat. Hein. Dimanche, non, mais comme par dimanche, exemple, dimanche elle est pas là, donc ouais, et puis lundi aussi. Et voilà. Alors donc ça fait 2 semaines d'affilée que tu vas pas être là. Donc à quoi que ça sert qu'on te prenne au standard et qu'on te paye. Non, on se pose la question. Et qu'on te paye en plus. Ouais. Elle est payée autant que toi, Gérard. Donc on accueille qui? C'est dégueulasse. Nutella, à la place de Kinder Surprise, il a 30 ans et il est de Paris. Peut-être pas resté longtemps. 101.9. Donc la question, c'est pourquoi existent-ils les fêtes de Pâques? Pourquoi fait-on c'est vrai, devant le micro, chérie. Je suis pas ton chéri, d'accord? Oui. Pourquoi fait-on Pâques un 1er avril et pas un 1er juin? Ben pourquoi? Parce que le 1er juin, c'est une date où il n'y a pas de fête. Le 1er avril, de toute manière, maintenant, je pense que plus personne s'amuse à le perdre. Au début, c'était bien parce que tout le monde disait, tiens, fais gaffe, t'as perdu ta casquette ou autre. Donc, les mômes, ils s'amusaient à perdre des poissons d'avril. Et c'est vrai que maintenant, ça devient rengaine. Et il a redonné la casquette après ou pas? Il lui a redonné, mais il avait un poisson quand même, un poisson d'avril dans le dos. Donc, c'est vrai que maintenant, ça devient plus à la mode. Donc, pourquoi existent-ils les fêtes de Pâques? Et on va s'écouter les valseuses de Suresnes avec colle ta petite crevette. Dans ma grosse raie, et on se retrouve après pour la suite au 0803-08-5000 et toujours 3615, Code Pen Radio, rubrique directe. De Suresnes avec colle ta petite crevette dans ma grosse raie. Donc vous êtes toujours sur Fun Radio, il est 1h36, donc ça va être la fin du débat sur le 1er avril et Pâques. Et avant de reprendre des auditeurs devant ton micro, mon chéri, avant de reprendre des auditeurs, on va continuer le petit sondage que j'ai là. Est-ce que Pâques est une fête préférée? Alors 67% préfèrent la fête à Neuneu. Ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc 29% préfèrent la kermesse du père Marabout. Donc je vois pas. 13% préfèrent la fête de Madon qui manque. Ça, c'est, si c'est pour moi, c'est pas la peine. Ouais. D'après vous, qui l'a pour trouver? 17% se demande qui lui rendra. Personne. Et pour finir, d'après vous, pourquoi dit-on un poisson d'avril? Ah ouais. D'après vous, pourquoi dit-on un poisson d'avril? Alors, 38% ne le lisent pas, ne le disent pas. Mmh. Enfin, pourtant, c'est vrai que... Tout le monde le dit, dire, poisson d'avril, poisson d'avril. Parce que là, bah, soir, s'il y a des gens qui le disent pas... Bah ouais, mais pourquoi ouais, moi j'en connais un ce soir, il s'est fait piéger par une gaffette. Enfin, on se demande qui c'est. Non, bah à ton avis. Qui est Risoli? Non. Ah merde. Non, Marcel Béliveau, non? Non, non. La gaffe. Ah non, c'est la gaffe. Ah, bah ouais. La gaffe, ouais. il s'est fait piéger parce qu'il a cru qu'une gaffette c'était vraiment. Vraiment tordu la cheville. La cheville, en fin de compte. Bon, comme c'était le 1er avril. C'était le coude. Donc, en fin de compte, ils ont fait le poisson d'avril. 27% le disent en allemand. Donc, je ne sais pas comment on dit 1er avril en allemand. Donc, Apolline, c'est de l'allemand, non? Ouais, il y a longtemps, je ne sais plus. Ah. Non, bah, toi, tu ne sais jamais rien. Si, Préférez dire... Bulldog d'avril. Alors, ça, si le bulldog, si c'est pour passer en samedi, celui qui a été sorti de ça, je l'emmerde. Non, mais en Espagne, ils disent bulldog d'avril. Ouais, de toute manière, en anglais, je ne sais même pas comment qu'on dit. Ouais, tu speed un peu, là, Gérard. Donc, alors, la septième... Pourquoi existe-t-il les fêtes de Pâques? Pourquoi existe-t-il les fêtes de Pâques? On va demander à Nutella 101.9 FM. Sur de Paris, Nutella pour toi. Les fêtes de Pâques existent car, encore une fois, c'est une machination économique destinée à nous faire dépenser de l'argent pour acheter des œufs en chocolat, comme la fête des grands-mères qui a été montée par une marque de café. Et j'en ai marre qu'on soit exploité, nous spolie. Attends, Nutella. Mais t'as pas bien de tartine. Nutella! Tu l'as bouffé ta tartine, moi. Oh! Oui, Gérard. Vous calmez, s'il vous plaît, je réponds à Nutella. Moi, je veux bien. Bon, alors, Nutella, je vais dire une chose. Pourquoi existe-t-il les fêtes de Pâques? En fin de compte, on ne sait pas. On ne sait pas qui a inventé les cette fête. Bon. Non, c'est pas le Père Noël. Non. Ce sont encore les Américains qui sont derrière tout ça, qui essayent de nous envahir avec leur culture comme Halloween, là, leur fête. C'est encore Halloween. Les Américains. Oui, ah, oui. Putain, si tu veux, par l'anglais, toi aussi, tu as été complètement influencé par les Américains. Yes. Vois bien. Moi, je dis, ce sont encore des fêtes inventées par les Yankees. Il y en a assez. Restons avec nos fêtes à nous, la fête à neuneux, des fêtes bien françaises, et Pâques est une fête américaine. Il y en a assez. On nous spolie, Gérard. Bon, alors, moi, je vais dire une chose. Ça se discute. Oh ouais. Moi, je vais vous dire une chose, que je vais essayer de regarder pourquoi existe-t-il les fêtes de Pâques et qui les a inventées. Je vous donnerai ça jeudi prochain en ouverture. Cocotte de maille. Ouais, bah écoute, moi, je vais te donner l'explication. Elle est très simple, elle est très claire. Elle tient en quelques mots. C'est parce qu'on est des grosses feignasses et que ça fait un jour de congé de plus, c'est tout. C'est comment tout. Ça bah parce que ça te fait un jour de... Regarde, le lundi de Pâques, tu travailles pas. Ouais. Donc ça te fait un jour de congé de plus. Et tu crois que tu travailles mardi? Bah ouais. Ah bah non, parce que... Comme lundi de Pâques. Parce que... Pâques tombe quand cette semaine? Dimanche. Attendez 5 minutes. Ouais. Donc ça fait vendredi. Donc ça fait samedi, dimanche, lundi. Ouais. Ça fait 3 jours. Mmh. Ouais. Hein? De toute façon, ça tombe toujours un lundi. C'est pour ça que ça s'appelle. Non, je suis pas d'accord avec cocotte de paille. Cocotte de maille. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que attends, laisse-moi finir. Moi, je peux te dire une chose, que Pâques ne tombe pas toujours tous les ans le même jour. Non, c'est vrai. Des fois, ça tombe à mardi. C'est vrai. Le lundi de Pâques, je me souviens, une année, il était un jeudi. Non. Et le lundi de Pâques au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Hein, ouais. Gazon maudit. Ça a été inventé à cause des fabricants d'œufs. Parce qu'au niveau du Moyen-Âge, les gens n'achetaient plus d'œufs à cause d'une maladie. Le syndicat de la poule. Voilà. Et donc, ils ont dit, il faut qu'on trouve quelque chose pour vendre nos œufs. Donc, ils les ont peints en marron, ils les ont trempés dans le purin et ils les ont mis dans les jardins pour que les petits-enfants les mangent. Et après, les petits-enfants sont devenus accros aux œufs. D'où la peste. Voilà, les gamins sont devenus accros aux œufs, donc les parents ont dû en racheter et l'industrie de l'œuf a été relancée grâce aux œufs de Pâques trempés dans le purin. C'est pas voilà. Bien ça. Ok. Œufs pourris pour finir. Ouais, ça a été inventé par les rois mages, les ancêtres des Toubiteries. En Galilée. Voilà, en Galilée. Oh non, ça n'a jamais été. Moi je peux te dire, parce que moi j'ai un bouquin qui s'intitule, je dirais pas la marque, mais ça en parle. Ouais. Et je peux te dire qu'ils cherchaient bien une occupation le week-end, et ben ils ont inventé les œufs de Pâques, tout simplement. Bon. Voilà. Ils en prennent même qui, voilà. Non, mais moi de toute manière, je vous ai dit, je vais. D'où après, sais... la crise de foie a été inventée. Ah ben ça, la crise de foie. D'où la chiasse après. Non, attends. D'où Manu. Attendez. Crise de poids, c'est vrai que à force de manger du chocolat, c'est vrai que t'es malade. Ouais. Parce que ça. Attendez, vous me laissez finir. Je vais répondre. Si vous mangez trop de chocolat, vous allez attraper une crise de foie. Ouais. Mais la chiasse ne vient pas de ça. Et les caries. Ça, les caries, c'est parce que vous mangez trop de bonbons, 40 bars ou autre. Ouais, pas de marque. Les chicots qui béton. Du 40 bar, toi. Donc, dernière question. Quel est le meilleur endroit pour cacher les œufs de Pâques pour les gamins ou autres? Ouais. C'est bon, ta cocotte de maille. Alors, Nutella. Et merde. Bien, le meilleur endroit pour cacher les œufs de Pâques, Gérard, c'est au fond du cul de la poule, bien évidemment. Ouais. Mais alors, une poule française, je tiens à le signaler, il y en a marre des poules américaines alias chicken. Cessons ce nationalisme. Non, attends, gazon maudit, s'il te plaît. T'évites de parler de politique parce que sinon je te sac. Pas de problème. Ok. Pas de problème, j'ai pas dit de nom, hein. Non, mais moi je te le dis tout de suite. D'accord. Tu parles pas de politique avec moi le jeudi. D'accord. Clair, net, précis. D'accord. Ok. Ok. Bon, alors Nutella, tu réponds correctement à la question. Je te dis, le meilleur endroit pour cacher les œufs de Pâques, c'est dans le cul d'une poule. Général, les enfants ne trouveront jamais. Ouais, ça m'est arrivé. Un conseil de Jean-Pierre Coff. Enfin, Jean-Pierre Foc, plutôt. Ok. Cocotte de maille. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mes parents, ils m'ont fait un poisson d'avril. Et ils les avaient planqués là-dedans. J'ai jamais pu les retrouver. Et puis sinon, ouais, dans mes rampes, s'ils avaient des trucs vicieux, du genre au fond du puits, il fallait prendre une corde de 30 mètres, descendre en rappel et tout ça pour un pauvre Kinder avec un avion en plastoc, c'était chaud, quoi. C'est clair. Non, mais je te demande des œufs, je te demande pas l'histoire du poisson. Mais non, c'est pas le poisson, je te dis, planquer les œufs au fond du puits, parce que nous, on avait une très grande propriété, n'est-ce pas? Mmh. Et donc, il y avait un puits. Mmh. Et donc, des fois... Oh, gazon maudit, s'il te plaît, t'arrêtes de faire comme moi, s'il te plaît, merci. Mmh. Donc, mes parents, ils cachaient les œufs dans le puits, par exemple, ou genre en haut du donjon, dans les douves, tout ça, dans la propriété. Donc, c'est chaud. Ouais. Un pourri. Ouais, bah écoute, moi j'ai essayé plus d'une fois de les foutre dans une litière pour chat, mais bon, ça perd un peu de sa finesse. Après, j'ai essayé sous le paillasson, donc dès que t'arrives, quoi, tu les retrouves en morceaux, donc je me suis dit, pourquoi pas cacher ça derrière un tableau, quoi. Non, mais moi je pense que le mieux pour que les gamins retrouvent les œufs. Ceci là, dit, dans le cul de poule, c'est bon esprit. Non, mais le mieux, moi, le mieux pour les personnes, là, pour les gamins, pour ce week-end, pour savoir où sont cachés les œufs, à mon avis, c'est dans un jardin. Bien que les parents les cachent bien comme il faut. En fait, c'est les footballeurs qui le font. Ouais, mais regarde, Gégé. Attention aux chiens qui urinent sur les œufs avant que les enfants sortent. Ah, voilà. Oh ah, c'est vrai, il a raison. Gégé, regarde, si t'habites dans une résidence, si t'habites dans une cité, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans une rue, tu rentres dans le jardin de n'importe qui, tu caches tes œufs, tu fais cavaler tes gamins dans le jardin? Mais non, tu planques toi, déjà, si t'es pas bête. T'as pas de jardin, tu vas pas aller taxer le jardin d'un autre. Bah dans ces cas-là, t'essayes de les planquer ailleurs. Fous ça dans une plante verte et puis c'est parti. Fous ça où? Dans un parc, un truc comme ça? Bon, gazon maudit, si elle veut répondre. Ok, mais moi dans le vent. Tu peux me la remettre si elle s'est calmée, elle. Voilà. Gros, elle. Donc allez, gazon maudit, pour finir. J'aime pas trop. Ouais, Gérard. Bah faut éviter tout ce qui est partie intime, sous-vêtements, choses comme ça, quoi. Tu peux les planquer n'importe où, mais bon, faut pas choquer les gamins. Elle est cochonne, elle, quand même. Hein. Ouais, je pense, parce que je me demande si un gamin, à vrai dire, mais attends, s'il vous plaît. Moi, je pense que là, tu vas un peu trop loin, gazon maudit. Ouais. Parce que tu crois qu'un gamin va aller voir dans tes seins si t'as planqué ou dans tout ce type si, ou dans ta culotte si t'as planqué un œuf. Chocolat au lait. Bah, je fais pas ça avec les gamins en général, mais bon. Non, mais attends. Ça peut là... très bien leur passer dans la tête. Hein. Ouais, non, mais attends. Toi, ça va te passer dans ta tête. Merci pour le double son. Hein. Y a rien. Donc, toi, pour toi, ça te passe dans la tête, hein. Oui, bah, bien sûr. Ah ouais, bah, toi, t'as que ça dans la tête. Bah, pas que dans la tête, ouais. Ouais. Gérard. Ok. Conclusion. Non, c'est fini. On fait conclusion. Le réseau, il est caché dans le coffre de la voiture. Conclusion du débat. Gérard, avant la conclusion, j'ai quelques petites questions de l'IRC que les auditeurs auraient bien aimé te poser. En fait, il y a Moko, il me dit que en l'an 2000, le 1er avril, il va tomber un vendredi 13. Tu crois pas que ça va être plus dur de chercher les œufs si on est malchanceux? Flippant. Quand l'année prochaine? En l'an 2000. Bon, ouais. Je pense pas. Bah si, non. Hein, si. Il a regardé un calendrier, il m'a dit le 1er avril, ça tombe un vendredi 13. Non. Le 1er avril l'année prochaine ne tombera pas un vendredi 13. Ça, c'est faux. Ah. Donc, d'autres questions avant conclusion ou peut-être, Oui, il y a Davy One, il voulait savoir si en période de Pâques, on peut acheter 9 œufs en Pâques. 9 œufs en Pâques, ouais, c'est possible. C'est bien parce que ce que Rigo me dit, je l'en double dans Morgane. Pas moi, je sais pas, c'est bizarre. Il y a quand même un petit problème là parce que ça commence à me saouler la tête là d'avoir un double son. Moi j'entends rien. Hein. C'est pour rien moi. Voilà, mais moi quand tu me parles, j'ai rien. C'est bon la conclusion là sur l'IRC. Les conclusions. À part l'autre avec mon débat n'avait ni queue ni tête comme moi, c'est pas la peine de me le dire. Ouais. Donc, il avait peut-être une tête, mais il a fini en queue de poisson, on m'a dit. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Le furet. On l'appelle le furet, ça, ici. Il voit tout. Ouais, il voit tout. Bon, on en fait la conclusion, parce qu'il est déjà 2h-10, là. Conclusion. Hey, Bernard. Nutella. Hey, Bernard, c'est vrai que t'es passé sur Skyrock hier? Nutella! Oui, Gérard, pour conclure, je voudrais citer. Non, tu donnes ta conclusion du débat, j'en ai rien à foutre. Gérard, ma conclusion... Il piquait des cocottes dans mon poisson d'avril. Ma conclusion... On met des standards sur nos Ericsson. Ma conclusion, en avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. En juin, tiens, ils s'enculent les chiens. Moi, je vais te dire une chose, tu vois, on est le 1er avril et je suis en t-shirt depuis ce matin. Il s'est pas enculé. Non, je me suis pas fait enculer. Toi, tu vas te faire enculer, espèce de connard. Pas encore. Enfant dans ta cul et encule de... Moi, je veux ouais, bien... encule ta sœur. Je veux bien. Alors, cocotte de maille. Ouais, écoute, le débat était bien. Moi, franchement, je trouvais ça bien. Bon, le problème, c'est qu'on a parlé, on a cité beaucoup de marques, hein, Gérard. Je sais pas si t'as remarqué, les Kinder, la machin, mon chéri, tout ça. Et on n'a pas parlé du tout de ton usine à Suchard, donc... Et sinon, je voulais dire, on avait parlé des cocottes et des œufs, mais on n'avait pas parlé des cloches, et je sais que toi, tu te sens concerné parce que t'en as à la maison. C'est quand même poli, s'il vous plaît, avec les gens qui vous emmerdent. Mais moi aussi, je t'encule, il n'y a pas de problème. Alors, je vais dire une chose, qu'une cloche comme toi, j'en suis une tous les matins. Avec ton usine à Suchard. Avec ton usine à Suchard. Gazon maudit. Oui, Gérard, c'était un très bon débat. Qui s'est très bien passé, je trouve. On a appris plein de trucs. Sinon, je voulais demander pardon à Tony pour ma parole déplacée. Et je kiffe les pâtes. Ouais, d'accord. Tu kiffes les pâtes, donc je vous ai presque pas reconnu les mêmes, hein. Hein, Pauline? Il y avait pas. Non, il n'y avait pas les mêmes. Non. Pas du tout. Non, œufs pourris, finir. Bah, écoute, les œufs, t'en as pas dans ton slip et va te faire cuire un œuf, gamin. Moi, je t'emmerde, espèce de connard. Pas tant que moi, mon vieux. Eh, va bouffer tes œufs pourris chez toi. Ok, en de bon entendeur, salut. Ok. Allez, hop. Hey, Bernard. Donc, conclusion du débat, de la merde, comme d'hab. Bernard. Premier débat de la merde, le standard pourri. Donc, deuxième débat, j'espère que ce sera pas le même. Réponds-moi. Et donc, si je pouvais avoir les deux titres... Les deux titres du disque. Ils sont là, Gérard, excuse. Au lieu de te marrer. Donc ça, c'est le premier titre et on mettra un remix de Sur Toi après, je pense. Alors donc, là, c'est le disque Quasimodo à 2 sur N, avec ma bosse dans le cou, et on se retrouve après pour le deuxième débat qui va porter sur la préhistoire. À tout de suite au 0803 08 5000.